aujourd'hui le poisson clown. Cap sur les lagons et les récifs coralliens, pas très loin de Madagascar, où l'on peut trouver ce poisson au ton orange, noir et blanc, en compagnie de son anémone de mer. Ces deux-là vivent au contact l'un de l'autre, dans le même espace, l'anémone protégeant son poisson clown, qui lui-même défend son anémone, unis par une sorte de pacte. Chez les poissons clowns, c'est la femelle qui a les pleins pouvoirs. Elle possède d'ailleurs un harem de mâles plus petit qu'elle. Chaque mâle est posté dans son anémone de mer et évolue au sein de ses tentacules. Gare aux autres poissons qui oseraient s'en approcher, car le poisson clown n'est pas ce qu'on appelle un craintif. Peu importe la taille de l'adversaire, il crie fort et en claquant des dents. Un avertissement qui dit ceci: passe ton chemin. Si l'intrus n'obtempère pas, il risque la mise à mort. Coup de dent ou coup de museau dans les flancs, le poisson clown n'est pas un tendre. Chez les poissons clowns, on crie pour marquer son territoire, imposer le respect aux autres ou en signe de soumission, mais jamais pour trouver un partenaire sexuel. La femelle d'ailleurs, qui est bien plus imposante que le mâle, produit des sons graves. Les mâles, au gabarit plus léger, font des sons aigus et leurs petits, dont le sexe n'est pas encore déterminé, des sons encore plus aigus. Facile ainsi de savoir qui crie dans la famille. Ceci étant dit, les relations familiales chez les poissons clowns sont pour le moins originales. Peut-être avez-vous en tête le monde de Nemo, célèbre dessin animé qui raconte l'histoire du petit poisson clown Nemo pris en charge par son père à la mort de sa mère. La réalité est tout autre. Car dans la vraie vie des poissons clowns, lorsque la femelle meurt, papa Nemo change de sexe, se transforme immédiatement en maman Nemo. Et le petit Nemo, tout asexué qu'il était, devient alors le nouveau mâle du couple. Une situation qui, transposée dans le monde des humains, rendrait la famille Nemo transgenre et incestueuse. Mais chez les poissons clowns, on parle d'hermaphrodisme pro-tendre et on n'en fait pas toute une histoire. Pas si bête, une chronique de Céline Duchesnay avec la complicité d'Éric Parmentier de l'Université de Liège et de la Sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. Réalisation, Laurent Polleret.